السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى. Surtout ceux que je n'ai pas encore rencontrés, je vous dis السلام عليكم ومرحبا بكم. Nous sommes aujourd'hui, inshallah ta'ala, 26 Rabi al-Awwal 1428 de l'Hijr, c'est-à-dire le 14 avril 2007, bi'idhna azawajal. Ça fait longtemps qu'on n'a pas, disons, un mois et quelques jours, qu'on n'a pas parlé de Aqida. Vous avez sûrement yani, écouté des douros de Aqida dans d'autres salles de Salafiyin, inshallah ta'ala. Juste une petite révision avant de commencer le nouveau dars. Je ferai mon possible que le dars ne dépassera jamais 2 heures avec les questions-réponses. Ne dépassera jamais 2 heures, inshallah ta'ala, avec les questions-réponses. C'est-à-dire qu'ici, il est 9h50, 10h50, 11h50, inshallah ta'ala, je dois, bi'idhnillah ta'ala, terminer. Quitte à ce que je donne l'admin à quelqu'un qui ferme la salle. Qui ferme la salle, et je me trouve, inshallah ta'ala, dehors de la salle. Al-Muhim, Allah subhanahu wa ta'ala sait que j'aurais voulu que mes drousses ne soient pas en même temps avec les repères de la sunna. Car quand je pouvais, je le faisais. Maintenant, il m'est un peu difficile de retarder les drousses pour des raisons de santé et d'autres personnels. Et alhamdoulilah, je crois que, d'après ce que m'a dit un frère, que le frère de l'héropère de la Sunna, qui s'appelle Abdel Malik, du Malik Francis, ou la Française, je ne suis pas très sûr, qu'il est au courant et qu'on ait mes raisons. Il a même dit que ce n'était pas que ça se faisait, que ça se faisait, et il a même, il s'est basé sur le délit de des ulamas dans la mosquée de Médine et dans la mosquée de Mecca. Ils font 4, 5, 6 ulama en même temps. On trouve celui-là assis dans ce coin, l'autre dans l'autre coin, l'autre en haut, l'autre en bas. Ils font tous en même temps. Je disais que moi, ce n'est pas de ma faute si je fais en ce temps. Ce n'est pas de ma faute. Si je pouvais, j'aurais retardé un peu, mais Allah subhanahu wa ta'ala, ghalibun ala amrih. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. C'est-à-dire à peu près en français, gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. J'avais dit une fois, entre autres, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit et il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, yani les koufars décrivent Allah subhanahu wa ta'ala d'attributs yani qui ne lui conviennent pas. Non, de beaucoup d'attributs qui ne lui conviennent pas. Pire que cela, ils l'appellent avec des noms qui ne lui conviennent pas aussi. Non, qui ne lui conviennent pas aussi. C'est pour ça qu'il a dit après, et paix sur les messagers. Salam al-Mursalin. Pourquoi? Parce que les messagers ne disent d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne disent de lui que ce qu'ils savent. Ils ne disent jamais des choses qu'ils ne savent pas. Naam. La yulhiduna fi asma'ihi wa la fi ayatihi. ils ne disent d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il leur a appris. Et nous, on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grande faveur de nous avoir envoyé des messagers. Comme a dit Allah Azza wa Jal, gloire à ton Seigneur. Naam, on doit le glorifier et le louer pour nous avoir envoyé des messagers qui, bi'idhni Azza wa Jal, sont le sabab pour nous faire sortir des ténèbres et des obscurités et nous faire rentrer dans la lumière de l'islam. Vous savez combien ils ont souffert, surtout les cinq Ulul Azm, l'Azm et surtout le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a beaucoup beaucoup souffert à cause de sa nation. C'est pour cela que on doit louer Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir envoyé ces messagers qui ont fait tout leur possible pour nous guider et nous montrer le chemin qui fait arriver à Allah subhanahu wa ta'ala et à son paradis et qui nous fait éloigner de son enfer. Maintenant, je finirai par dire de temps en temps, j'entends des gens qui, lorsqu'ils parlent, par exemple, ou là, ils font une halqa, ou là, ils font un dars, ou là, ils sont assis ensemble, ils veulent se séparer, ils terminent en récitant en récitant ce verset. Ils disent Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Et moi je voudrais seulement faire une remarque que ce verset ne se dit pas en cet endroit, ne se dit pas en cet endroit, et que croire que yani il a cet endroit spécial et qu'il se dit spécialement pour se disperser quand on va se quitter, ou là à la fin du das par exemple, ça rentre dans l'innovation. Mais le plus juste, c'est quand on veut terminer, on dit Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et quand on est avec des amis par exemple aussi, on a parlé et on veut se séparer, on dit ce que je viens de dire maintenant, ou bien on dit Sourate al-Asr. C'est une sunna. Les compagnons, ou bien certains compagnons, quand ils voulaient se quitter, ils lisaient cette sourate. En ce qui concerne le dars d'aujourd'hui, le cheikh a dit, cheikh Ibn Taymiyyah Allah yarhamo, a dit وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ حيث يقول قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدُ et كُفُوًا أَحَدُ aussi. C'est-à-dire en français, participe des attributs divins les descriptions suivantes que Allah fait de sa personne. Dans la sourate 112, l'Ikhlas, qui s'appelle le culte pur, et qui vaut le tiers du Coran, Allah Ta'ala dit, Qul, dit, lui, Allah, est un, Allah l'a imploré, il n'a ni enfanté, ni a été enfanté, nul ne saurait l'égaler. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen, il commence à expliquer ce qu'a écrit ici Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah. Il a dit فَإِنَّ هَذِي السُّورَةَ وَمَا بَعْدَهَا دَخِلَةٌ فِي ظِمْنِ مَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّ بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفِيِّ وَالْإِثْبَاتِ وَأَنَّ أَهْلِ السُّنَّةِ يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ. C'est-à-dire, à peu près, Cheikh Ibn Uthaymeen Allahyarhamo veut dire que cette sourate, qui est Qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad, jusqu'à la fin, elle rentre dans ce qui a été prescrit auparavant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a joint en ce qu'il s'est décrit, en ce qu'il s'est décrit et en ce qu'il s'est nommé, il a joué entre quoi? Entre la négation et l'affirmation. Et les gens de la sunna et du consensus croient en cela et attestent cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se décrit par il se décrit par les beaux attributs les plus beaux et il se nomme par les plus beaux noms, la même chose, Allah subhanahu wa ta'ala nie et éloigne de lui tout ce qui n'est pas bien et tout ce qui ne lui convient pas et tout ce qui ne lui sied pas. Quant à il se nomme par les plus beaux noms et il se décrit par les plus beaux attributs, tout le monde sait cela. Mais je vais parler un peu de, c'est-à-dire qu'il nie aussi et il éloigne de lui les mauvais attributs, les mauvais noms. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran et a montré qu'il ne dormait pas. Donc il éloigne ici, il nie. Il dit qu'il ne dormait pas et que la somnolence ne le prenait pas aussi. Et qu'il n'avait pas d'enfant, ni de père. Et qu'il n'était pas injuste. Et qu'il n'était pas borgne. Il n'est pas borgne, pardon. Comme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna rabbakum laysa bi'awar. Allah subhanahu wa ta'ala, votre Dieu n'est pas borgne. Il n'est pas awar. Et, comme par exemple, il n'a pas, pardon, il n'est pas trois. Il n'est pas trois. Il est un. Pas comme disent les chrétiens, ce sont trois, lui, le Saint-Esprit et le Père. Il a éloigné, Allah subhanahu wa ta'ala a nié ça et a dit non, ça ne nous convient pas. Non. Donc, ici, Cheikh Mouroudimin veut montrer l'Ahmou, veut expliquer ce que Cheikh l'Islam a voulu dire, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il se décrit et se nomme, il joue entre les deux. Non seulement il affirme des choses, mais aussi il nie des choses. نعم قوله في سورة الإخلاص وهي عبارة عن آيات من كتاب الله مصورة ومصورة أي منفصلة عما قبلها وعما بعدها كالبناء الذي أحاط به السور. نعم pourquoi on dit sourate on dit sourate en français sourate en arabe on dit sourate الفلق Suratul Nasr. Quand on dit surah, suratul, il y a le mot à l'intérieur, ça vient du mot sur. Sur, en français, c'est le mur. Le mur. Bam. Qu'est-ce que ça a à voir avec le mur ici? Qu'est-ce que ça a à voir avec le mur? C'est-à-dire que chaque surat est détachée de celle qui la précède et de celle qui la suit. C'est comme s'il y avait un mur entre chaque surah et surah. C'est pour ça que devant chaque surah, il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim devant surah Tawba. Les sahabas n'ont pas mis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'une des deux causes, ils ont dit, on craint que ça soit la même surah que celle qui est avant elle. Je crois l'Anfal. Ils ont dit donc, c'est pour ça qu'on ne met pas Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, chaque surah, ça s'appelle surah parce qu'il y a comme un mur. En français, on dit mur, en arabe, on dit sur. C'est comme une habitation, par exemple, qu'on entoure avec un mur. Maintenant, une habitation, si on l'entoure avec un mur, place, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est détachée, elle est seule, cette habitation est seule. Sinon, il y a une maison devant une maison collée à une maison, on ne peut pas discerner. Mais si on met un mur, ça veut dire qu'elle s'est détachée. La même chose. Sourah, parce qu'elle est détachée, chaque sourah est détachée de l'autre, soit yani par devant et de par derrière. Naam. Qawluhu wa sourat al-ikhlas. Pourquoi on dit sourat al-ikhlas? Qawluhu wa allahu ahad, ça s'appelle sourat al-ikhlas. Pourquoi on dit sourat al-ikhlas? Ikhlasu shay'i, wa akhlasa shay'a. C'est purifier et nettoyer. Purifier et nettoyer. Sourate l'Ikhlas, yani elle est pure. Comment c'est-à-dire pure? Elle est seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous remarquez que dans sourate Ikhlas, il n'est parlé que de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est parlé ni de l'enfer, ni du paradis, ni de rien. Il est parlé seulement de Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est un et qu'il n'a pas été enfanté, qu'il n'enfante pas, et que rien ne lui saurait être égal. C'est pour ça que elle est pure. Et c'est pour ça qu'on dit, par exemple, on dit ça, c'est de l'or pur. Non. Zahabun, hada zahabun, khalis. Khalisun. En arabe, on dit khalis. Ikhlas, khalis. C'est pur. Ça veut dire, cet or n'est pas mélangé, par exemple, avec du fer ou avec du zinc. C'est pour ça que on le fait d'abord entrer au feu, pour que tout le fer qui est coulé ou la autre chose s'en détache. Et qu'il ne reste que quoi ? Que l'or pur. Il ne reste que l'or pur. Donc, et certains ont dit, donc, Mukhlis ici, ça s'appelle surat al-Ikhlas, et celui qui la lit est Mukhlis. Il est sincère. Celui qui la lit est Mukhlis. Donc, la surat ici, surat al-Ikhlas, elle est Mukhlisatun liqari'iha. C'est elle, en la lisant, elle t'aide à quoi ? À, yani, te purifier. Et à être sincère, devient sincère. Elle aide pour la sincérité. Ay, inna l'insan idha qara'aha mu'minun biha, faqad akhlasa lillah azza wa jalla. C'est-à-dire que si la personne lit, qul huwa Allahu azza wa jalla, en croyant en cette sourate, en croyant en elle, non, il a été sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ont dit, لأنها مخلصة. Certains ont dit, ça s'appelle Ikhlas, لأنها مخلصة. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour lui-même, Azza wa Jal. Il l'a choisi pour lui-même. فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامُ وَشَيْءٍ مِنْ أَخْبَارٍ. Il l'a choisi pour lui-même, de sorte que tout ce qu'il y a dans cette sourate, et yani, c'est spécialement yani, pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle ne parle que de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien d'ajouter qui n'a pas rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit Allati ta'dilu thuluth al-Qur'an. Allati ta'dilu thuluth al-Qur'an. Surat al-Ikhlas. Surat al-Ikhlas. Elle équivaut à un tiers du Coran. Le délit, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une fois, dans le hadith du Bukhari et le hadith du Muslim, il a dit أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ. Est-ce que l'un de vous يعني, a de la paresse pour qu'il lise un tiers du Coran en une nuit? قَالُوا كَيْفَ رَسُولُ اللَّهِ. Ils se sont étonnés. Ils ont dit, comment est Rasulullah? Comment est-ce possible que quelqu'un puisse lire un tiers du Coran en une nuit? Lire un tiers, c'est 20. C'est 20 hizb. Parce qu'il y a 60 hizb. Donc, un tiers, c'est 20. Ou alors, c'est 10 juz. 10 juz. Ou bien 20 hizb. Ils se sont étonnés. Ils ont dit, comment est Rasulullah? Comment quelqu'un peut-il lire tout cela en une nuit? Je crois qu'il parlait de la salat, lire dans la salat. Je crois. Ala, Allahu Ahad, Allahu Samad, ta'dilu thuluth al-Qur'an. Il a expliqué, il a dit, qul huwa Allahu Ahad, Allahu Samad équivaut au tiers du Coran. Si quelqu'un l'a lu, c'est comme s'il a lu un tiers du Coran. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Le Cheikh Al-Hamoudi, fa hadhihi as-sura ta'dilu thuluth al-Qur'an fi al-jaza'i, la fi al-ijza'i. C'est-à-dire que si quelqu'un va la lire, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera un tiers, lui donnera le tiers du Coran dans la récompense. Et non pas dans la suffisance. Quelle est la différence? Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il est dans le Bukhari et Muslim aussi, il a dit Man qala la ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قادر. عشر مرات فكأنما أعتق أربعة أنفس من بني إسماعيل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand quelqu'un, ou bien si quelqu'un dit لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 fois consécutives. Il a dit, c'est comme s'il avait affranchi 4 âmes, disons 4 personnes, la 4 âmes de Ben Ismaïl, des fils d'Ismaïl alayhi salam. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas ce que ça dit. J'explique que ça veut dire dans la récompense et non dans la suffisance. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un devait, par exemple, affranchir 4 personnes, par exemple, il a fait un grand péché, ou un péché qui où il doit, par exemple, affranchir 4 personnes, 4 esclaves. Cela ne va pas dire qu'il va lire, par exemple, il va lire quoi? Il va dire « La ilaha illallah » 10 fois, « La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, walhamdu ala kulli shay'in qadir » 10 fois, et « Alhamdulillah » c'est pas la peine d'affranchir les 4 esclaves. Non. C'est seulement dans la récompense. C'est-à-dire, si tu dis cette chose, ce hadith, ce dhikr, cette invocation, tu as dit 10 fois, tu as la récompense de celui qui a affranchi. Mais ce n'est pas suffisant pour que tu n'affranchisses pas 4 esclaves si jamais tu devais en affranchir. Non. C'est à peu près pour donner un autre exemple. Peut-être qu'il sera plus clair. Je le donnerai de ma tête, inshallah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit que quiconque, à peu près, je donne son sens, mais c'est un hadith sahih. D'ailleurs, il se trouve dans Sahih al-Jami', dans le numéro 6346. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait la prière du sobh en groupe, c'est-à-dire dans la mosquée, ensuite, il s'assoit, il reste invoqué Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au lever du soleil. Ensuite, il fait 2 rak'at. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah » 3 fois, « tammah, tammah » subhanahu wa ta'ala. Il a dit, quiconque fait la prière du sobh en groupe, il reste dans la mosquée en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil se lève. Cela vient dit assez. Naam. Ensuite, il fait 2 rak'at, une prière de 2 rak'at. Il aura, yani, c'est comme si il avait le ajr de un hajj plus une umrah. Tamma, tamma, tamma. Yani complète, complète, complète. Le prophète Hassan 3 fois dit complète, complète. Hajj umrah, hajj, yani tamma, tamma, tamma. C'est comme si quelqu'un avait fait hajj wa umrah complète. Maintenant, je reviens à récompense et suffisance. Est-ce que quelqu'un qui va s'asseoir, qui va faire la prière dans la mosquée du Sobh, et va s'asseoir jusqu'à ce que le soleil se lève, et va faire 2 rak'at, est-ce qu'il a droit de dire non? Donc, c'est pas la peine d'aller au Hajj, et c'est pas la peine d'aller. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que quiconque qui reste jusqu'à ce que le soleil se lève, etc., il aura, c'est comme s'il avait fait Hajj wa Amra. Donc, on va lui dire non, c'est pas difficile de tromper. Certes, tu as le Hajr. De quoi? Tu as le Hajr de quelqu'un qui a fait Hajj wa Amra. Mais, si jamais tu n'as pas encore fait le Hajj ou tu n'as pas encore fait la Amra, tu dois y aller. Non, car le Hajj est obligatoire. Et beaucoup de gens, malheureusement, beaucoup de musulmans, ne savent pas que la Umra est aussi obligatoire, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes. Beaucoup de gens ne savent pas que la Umra est obligatoire. Il a l'argent pour aller à la Umra, il n'y va pas. Il dit la Umra, c'est pas important, c'est quelque chose d'obligatoire qu'il n'a pas fait alors qu'il pouvait la faire. Naam. Il y a aussi un autre hadith, en passant, je profiterai pour dire qu'il y a aussi un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُوا رُبْعَ الْقُرْآنِ » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si quelqu'un lit « قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ » jusqu'à la fin, c'est comme s'il avait lu le quart de quoi du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a la récompense de quelqu'un qui lit le quart du Coran. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de fois, disait « Oliya yuval kafirun » avant de dormir. Il disait « Oliya yuval kafirun » avant de dormir. Il a dit « Quiconque la lit avant de dormir, yani, il a une bara'a, yani, il sera loin du quoi du shirk. » Bara'atun min shirk. Naam. Je voulais dire que, par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque lit qul huwallahu azza wa jal, qul huwallahu, c'est le tiers du Coran, il ne faut pas comprendre, comprend beaucoup d'ignorants, ils vont dire, puisque lire qul huwallahu une fois, c'est comme si j'ai lu le tiers du Coran, donc je vais la lire trois fois, et comme ça, c'est comme si j'avais lu tout le Coran. On leur dit, ça, ce n'est pas possible. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si tu l'as lu, tu l'as lu une fois, tu as le tiers du Coran. Mais il n'a pas dit que ça se lisait trois fois. Naam, ou avoir tout le Coran. Ça, ce n'est pas vrai. Naam, c'est pour ça que ça ne se fait pas. Ça se lit seulement une fois. Ensuite, le cheikh Lahmou a dit, le Coran, naam, Et pourquoi qul huwallahu, pourquoi elle équivaut au quart du Coran spécialement? Il a dit car tout ce qu'il y a dans le Coran, ça se divise en trois groupes. Tout ce qu'il y a dans le Coran, vous pouvez vérifier, ça se divise seulement en trois groupes. Ou bien c'est des informations, des choses sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ou bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui parle de lui, il parle de lui, ou bien c'est des informations sur ses créatures, il parle des kuffars, il parle de Jahannam, il parle de la Jannah, il parle de Sirat, il parle des cieux, il parle de la terre, il parle des djinns. Donc c'est des informations sur quoi? Sur ses créatures. Ou bien troisième groupe, ce sont des jugements, et disons, si on peut appeler ça, des lois divines. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, faites ceci, ne faites pas cela, ceci est haram, ceci est cela. Non, celui qui fait cela, il a cela. Le Coran ne sort jamais de ces trois groupes. Ouvrez le Coran où vous voulez, et lisez n'importe quel verset, ou bien Allah ta'ala parle de lui, ou bien il parle des créatures, de ses créatures, ou bien il nous dit de faire une chose, ou de s'éloigner d'une chose. Il n'y a pas autre chose. Naam. Et alors, puisque tout le Coran se divise en ces trois groupes, alors vous remarquez que Qul huwallahu, Allah Ta'ala n'a parlé dans Qul huwallahu que de lui. C'est en sens qu'elle vaut un tiers du Coran. Car le Coran, ou bien Allah parle de lui, ou bien c'est des gens. Et ici, dans Qul huwallahu, il n'a parlé que de lui. Donc, c'est comme s'il y avait le tiers du Coran dans Qul huwallahu ahad. Naam. Cette sourate, quelle est la raison pour que Allah subhanahu wa ta'ala ait fait descendre cette sourate? Vous savez que, il faut connaître cette règle, que Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, fait descendre le Coran sans raison. Il ne se passe rien, et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran. Et des fois, il se passe des choses. Il se passe des choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre le Coran pour corriger des choses, pour montrer des choses, pour nous ordonner des choses, etc. Maintenant, quelle est la cause pour Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre? سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفلنا ربك فأنزل الله هذه السورة حديث رواه أحمد الترمذي وأخرجه البيهقي بسند جيد وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي الشيخ الألباني هذا حديث صحيح. Donc la première, il y a deux versions. La première version dit que les mouchrikoun, c'est-à-dire ceux de Quraysh, c'est-à-dire, donc ça s'est passé à la Mecque. les mouchrikoun ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, décris-nous notre être, pardon, décris-nous ton Dieu. Qui c'est ton Dieu? Décris-nous-le. Comment est-il fait, etc. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cette sourate où il s'est décrit. Il a montré qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il n'avait pas de père et que rien ne lui saurait être égal. Et dans une deuxième version, il est dit que sourate, que c'est les Yahoud, ce sont les Juifs, qui ont demandé, ce sont les Juifs qui ont prétendu, les Juifs ont prétendu que Allah subhanahu wa ta'ala a été créé de telle et telle matière. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre cette sourate pour les démentir et pour montrer que ce sont des menteurs juifs. C'est où? C'est à Médine. Donc, il ne faut pas s'étonner que. Et ça va dire comment se fait-il? La sourate, elle est descendue à Mecca ou là elle est descendue à Médine? Sinon, il y a contradiction. Nous, on dit qu'ils sont descendus deux fois. Naam. Certains sourates qui sont descendus deux fois. Et beaucoup de ulama disent qu'il est Allahu et l'une de ces sourates qui sont descendues deux fois. Naam. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala descend une sourate, par exemple, à Médine, à Mecca, ensuite il la descend une autre fois à Médine. Des fois, il a fait descendre en hiver, il l'a refait descendre en été comme ça. Et celui qui veut s'approfondir encore plus, qu'il lise le livre de Suyuti, rahmatullah. Il a un livre qui s'appelle Itqan. Itqan fi ulum al-Qur'an. Dans ce livre, où il n'a rien laissé sur le Coran, l'imam Suyuti, il a un chapitre où il montre que, ou plutôt il montre les sourates qui sont descendues deux fois. Et il cite les sourates, il dit cette sourate est descendue une fois dans cet endroit, une fois dans un autre endroit, une fois en tel temps, et une deuxième fois en tel temps, et comme ça. Donc, ceux qui veulent s'approfondir encore plus, qu'ils lisent Al-Itqan fi ulum al-Qur'an. Ensuite, il a dit Naam, Qul huwa Allahu ahad. Allahu, il faut que vous sachiez que c'est un nom. C'est le plus beau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tous les noms d'Allah, tous les autres noms, reviennent à ce nom. Sauf quelques-uns qui sont très rares. La plupart des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala reviennent vers ce nom, qui est Allah. C'est lui la base. Non, c'est ce nom qui est la base de tous les noms. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, on dit Allah, je crois que se trompent ceux qui emploient le mot Dieu. Ils disent Dieu pour Allah. Non, tu peux dire mon Dieu, c'est Allah. Allah, c'est son nom. Mais tu ne dis pas comme ça, quand Dieu fait ceci, Dieu a fait cela. Dieu, ce n'est pas un nom. Dieu, c'est comme si tu dis par exemple, c'est un, comment on dit, un substantif. Quand tu dis par exemple la porte, le ciel, la lampe, la montre, le tricot, la voiture, Dieu. Non. Mais si tu dis Allah, tu l'as appelé par son nom. Voilà la grande différence. Non, tu dis Allah. C'est comme tu dis celui-là, Muharid, Aïch, tu appelles pas. Je préfère Allah, je l'appelle par son nom. Tu fais même un adjr, plutôt que de dire Dieu. Non, comme disent les autres. Al-Muhim. Qu'est-ce que ça veut dire aussi Allah? Ça vient d'où? Le mot Allah lui-même, le nom, pardon, contient l'adoration. Allah, ilah, ma'luh, on l'adore. qu'on l'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Allah ahad, est un. Est un. Yani, comme certains sectes, mal-assef, qui sont égarés, disent que Allah ta'ala est un, ça veut dire que ce ne sont pas deux, ni trois, ni quatre, ni cinq. C'est un. Non, ça c'est d'un coup. Mais ce n'est pas suffisant. Car un petit enfant de 5 ans, c'est que Allah est un. Non, c'est pas ça, c'est pas suffisant. Ce sont les Ash'ari qui disent, ils disent Allah est un, qu'on voit Allah ahad, ça deux. Un. Nous on dit ça, c'est juste, mais ça manque. Ça manque beaucoup de choses. Ça manque quoi? Il faut dire que Allah ta'ala est un en son essence et en son entité, et aussi éteint en ses attributs et en ses actes. Naam, ça, c'est ce que beaucoup ne disent pas. Ils disent Allah Ta'ala est un, yani ils ne sont pas deux. Il n'y a pas deux Allah. Il y a un seul. Ça, ce n'est pas suffisant. Ou tu dises que Allah subhanahu wa ta'ala Allah est un et unique aussi, comme il n'y a personne ou n'a aucune créature en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Aucune créature n'a un attribut qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est de nom. De nom, c'est tout. Moi j'ai une main, Allah a une main. Ça se ressemble par le nom, c'est tout. Mais jamais ça ne se ressemble en vérité. Jamais ma main ne ressemble à ma main, yani, comme ça, yani, elle est faite comme ma main. Jamais. Ni dans ses actes. Ni dans ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala rit. Il ne rit pas comme moi je ris. Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Il ne s'étonne pas. Et je ne sais pas, peut-être mon cœur commence à battre, je ne sais pas quoi. Allah subhanahu wa ta'ala descend. Pas comme moi je descends. Moi je descends de l'échelle. Là je descends de l'immeuble. C'est pas comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala descend. Il descend une descente qui lui sied et lui convient et ne ressemble à aucune descente de ses créatures. Et comme ça, tu dis ça, comme tu généralises dans tous les attributs et dans tous les actes. Il n'y a aucune ressemblance. Alhamdulillah, ça, on l'a dit plusieurs fois. Ensuite, il a dit Allahu Samad. Allahu Samad. Les ulama ont yani, divergé sur qu'est-ce que ça veut dire Samad. Samad. Certains ont dit le parfait. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans sa science, parfait dans sa puissance, parfait dans sa sagesse, parfait dans tous ses attributs. Et certains ont dit Samad. Allahu Samad, c'est-à-dire celui qui n'a pas de ventre ni intestin. Car les kuffar, les mouchrikoun, avaient dit que Allah avait dit que Allah Ta'ala avait un ventre, etc. Allah subhanahu wa ta'ala les a démenti. Il a dit, c'est pas vrai. Allahu Samad, c'est-à-dire qu'il n'a ni ventre, ni intestin. C'est pour ça qu'on dit des anges, on dit Al-Mala'ika. Les anges sont des samad. Ça veut dire qu'ils n'ont ni ventre ni intestin. Pourquoi? Parce qu'ils ne mangent pas et ils ne boivent pas. Si tu restes avec nous jusqu'à la fin de ici, combien qu'il est? 9h, non, chez vous. À 9h45, Jazakallahu khair, tu. À 9h45, tu m'apprends que l'heure est éteinte, Inch'Allah Ta'ala. Pour que ça soit juste une. Il faut que j'apprenne, non, il faut que j'apprenne. On m'a essayé de me faire apprendre, je n'ai pas appris. Et d'autres ont dit, As-Samad, As-Samad, Ey, Al-Masmoudou, il est. D'autres ont dit. Donc, dans combien de temps est-ce? Dans combien de temps? Chez moi, au Koweït, il est 22h30. Ah, 22h30, c'est-à-dire dans un quart d'heure, Inch'Allah. Il est 22h25. Et certains ont dit, donc je répète, pardon, certains ont dit Samad, c'est le parfait. Certains ont dit Samad, qui n'a ni ventre, ni intestin. Et certains ont dit Samad, c'est quoi Samad? C'est le masmoud où il est. Le masmoud où il est, c'est-à-dire celui dont toutes les créatures ont besoin de son aide. Sans et besoin d'eux ou de leur aide. Naam. Et beaucoup de ulama ont choisi ce troisième choix. Ensemble, ils ont dit, ça veut dire toutes les créatures. Toutes les créatures, je dis, quand Allah subhanahu ont besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'arche. Il n'a pas besoin de l'arche. Il n'a pas besoin des cieux s'il veut. Et comme ça. je vous donne un délit. Bien sûr, vous savez cela, mais juste un délit pour parler un peu. Vous savez que, je voulais dire, que yani, s'il n'y avait pas Allah ta'ala, le monde Adam ne pourrait pas yani, rester, ne pourrait pas se tenir. Ne pourrait pas se tenir. Car si Allah subhanahu wa ta'ala n'aidait par exemple les cieux seraient tombés, l'âme serait tombée sur nos têtes. Et les étoiles, elles se seraient yani, tamponnées, comme deux voitures se tamponnent. Elles se rencontrent comme ça et elles se tamponnent. Si ce n'était pas Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala qui les guide et qui les yani, régit et qui les régit. Et la mer, par exemple, si c'était par Allah subhanahu wa ta'ala, elle se serait déchaînée sur nous. Et elle aurait couvert alors toute la terre. Et comme ça. Donc, toutes les créatures, même les cieux, la terre, etc., toutes les créatures, les animaux, et même le kafir, a besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit toutes les créatures. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Est-ce que vous connaissez quelqu'un? Par exemple, je donne un exemple, c'est tout. Est-ce que vous connaissez le surnaturel? Il n'y a pas de son, ta'amallah. Il y a le son, ta'amallah. Est-ce qu'il y a le son? Là, je sors et je reviens. Subhanallah, il y a du son, alhamdulillah. Alhamdulillah. Je disais que... Tu dis son? Il n'y a personne qui peut, par exemple, ne pas dormir. Il n'y a personne qui peut, par exemple, ne pas aller aux toilettes. Il n'y a personne qui peut pas, qui dit, par exemple, je peux ne pas tomber malade. Il n'y a personne qui dit, je ne peux pas mourir. Et comme ça. Donc, tout le monde à l'univers, qu'il fait, il lève les mains et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de... Maintenant, on dit, il n'y a pas de son. On dit, il n'y a pas de son. Non. Même le kafir, yani, il lève les mains et il fait des invocations et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider. Comme lorsqu'il est dans de gros problèmes. Comme par exemple, lorsqu'il sent qu'il va se noyer. Il sent, par exemple, qu'il va se noyer ou que la barque va se noyer. Qu'est-ce qu'il fait alors? Lui qui ne croyait pas en Allah subhanahu wa ta'ala, le voilà qui lève les mains et aller vers le ciel et commence à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver. C'est noté dans le Coran. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Younes numéro 20 fil birr bahr hatta idha kuntum fil fulk wa jarina bihim bi rihin tayyibah wa farihu biha جاءت ريح عاصف جاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من شاكرين. À peu près, Allah Ta'ala dit dans le Coran, c'est lui qui vous fait aller sur terre et vous fait voguer sur mer quand vous êtes en bateau. Ces bateaux qui les emportent grâce à un bon vent dont ils se réjouissent. ils se réjouissent du vent, mashallah, la barque est en train de marcher, en train de voguer, elle va vite. Il a dit, et ils se réjouissent jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, assaillis de tous côtés par les vagues, et se jugeant enveloppés par la mort, alors ils prient Allah Azza wa Jal, lui vouant le culte, subhanallah, et disant, certes, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. Allahu Akbar. Même le kafir, quand il s'enclasse, il va être noyé, il sent qu'il va mourir. Personne ne peut le sauver, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a d'autre solution que de le sauver. Inch'Allah, je serai parmi les reconnaissants, exactement comme a dit Pharaon avant de se noyer. Naam. يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهو عز وجل لأحوديته لأن الولد يكون على مثل الوالد في الخلقة في الصفة وفي الشبه الله سبحانه وتعالى parce que ce sont des créatures qui ont besoin de lui. Et lui n'a besoin de personne, de rien. C'est parce qu'il est, il se suffit à lui-même. C'est pour ça qu'il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant. Naam, il n'a pas d'enfant. Pour ressemble, yani, à son père. Soit il ressemble, yani, dans le physique, soit il ressemble dans le caractère. De toute façon, il y a toujours une ressemblance entre le père et son enfant, entre le père et son enfant. C'est pour ça que lorsque Mujaziz est venu chez Zayd ibn Haritha et son fils Oussama, ils étaient couverts avec une cape, je crois qu'ils étaient en train de dormir, et Osmo. Et Zayd et son fils Oussama avaient des pieds qui n'étaient pas couverts. Mujaziz, celui-là, quand il a vu seulement les pieds du père et de son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Sans les reconnaître. Il a dit, « Inna hadhihi al-aqdam ba'daha min ba'd. » Ses pieds, à peu près, il a dit, ça se ressemble. Ils doivent être des parents, quelque chose comme ça. Naam, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une science chez les Arabes, elle existe, je ne sais pas si elle existe maintenant, qui s'appelait l'qiyafa. Ça peut dire Al-Qiyafa. On dit X, c'est un Qaif. Le pluriel, ce sont des Qafa. C'est pas le Qaif, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, subhanallah al-Azim, il voit seulement les pieds. Il dit, montrez-moi les pieds. C'est tout. Les pieds de celui-là, et de celui-là, de celui-là, celui-là, c'est un parent à ça. Celui-là, c'est un père à celui-là, et comme ça. Certains diront, subhanallah, ils ne voient pas le visage. Non, on ne le voit pas toujours. Le visage, ça peut ressembler. On peut ressembler à son père, on peut ne pas lui ressembler. On peut ressembler à sa mère, on ne peut pas lui ressembler. Mais, surtout les pieds. C'est surtout les pieds, yani, la façon, comment Allah a façonné les pieds. Les orteils. Et les hommes, quand ils vont à la mosquée, pourquoi ils savent plus? Parce qu'ils vont à la mosquée. Quand ils vont à la mosquée, avant que la prière ne commence, quand on se met dans les rangs, on commence à s'arranger dans les rangs, on regarde quoi? On regarde nos pieds. On regarde les pieds à droite, à gauche. Si tu médites, tu commences à méditer les pieds, tu dis subhanallah al-azim. Il n'y a jamais deux pieds qui se ressemblent. Les pieds ne ressemblent jamais aux pieds de celui qui est à ma droite, ni celui qui est à ma gauche. Ni de celui qui est tout à fait à droite, ni de celui qui est tout à fait à gauche. Ça, c'est vraiment étonnant. Pour celui qui a bien médité les pieds, comment l'Azur les a créés, les orteils. Certains sont gros, certains sont minces, certains sont longs, certains sont courts, certains sont un peu yani, tordus vers la droite, d'autres vers la gauche. Certains ont le pied yani, plat, l'autre n'est pas plat, l'autre large, l'autre. Masha'Allah. Naam. Donc, c'est par les pieds. On peut, que les Arabes pouvait dire celui-là, c'est le fils de X, seulement en regardant les pieds et non pas en regardant le visage. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas besoin d'enfant. Pourquoi? Parce que s'il avait un enfant, il lui aurait un peu ressemblé. Or Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Ensuite, pourquoi Allah Azza wa Jal aurait-il besoin d'un enfant? Pourquoi aurait-il un enfant? Nous, on fait des enfants. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'eux. Naam. Pour qu'ils nous travaillent, pour qu'ils nous aident, pour qu'ils dépensent pour nous, si on ne travaille pas, ou là, si notre revenu est faible, pour aussi prolonger notre progéniture. Moi, quand je vais mourir, mon nom va s'éteindre si je n'ai pas d'enfant. Mais si j'ai un enfant, mon fils ou là, ma fille, elle va plutôt mon fils. D'ailleurs, même ma fille, elle ne change pas, elle a toujours mon nom. Elle va vivre des années, des décennies, des siècles. Non. C'est pour ça qu'on a besoin d'un enfant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de tout cela. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de quoi? Qu'il n'a pas besoin d'enfant. Même en parlant du arche, du trône, Allah subhanahu wa ta'ala a créé le trône. Et tous les salafis, les salafiettes, savent que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé le trône parce qu'il a besoin du trône? Est-ce que Allah t'a trouvé, je dis, il serait fatigué, il a besoin du trône ta'ala? Non. S'il n'y a pas de sang, alhamdoulilah. Je disais, quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, ça ne veut pas dire qu'il y a ce qu'on appelle le toucher. Moi, quand je suis sur ma chaise, ça veut dire que je touche ma chaise. Si on m'enlève ma chaise, je tombe par terre. Mais quand on dit Allah est au-dessus de son trône, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala touche son trône. Il est au-dessus, il est élevé sur le trône. Ça ne veut pas dire